franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'était un lieu commun il y a quelques mois. Les animateurs du printemps arabe, tunisien ou égyptien s'inspireraient à coup sûr de l'exemple turc, c'est-à-dire de cet islamisme modéré de la Turquie qui pouvait coexister avec la démocratie et qu'on citait un peu partout en exemple, et pas uniquement dans les pays musulmans. Il faut aujourd'hui déchanter, non seulement parce que la victoire électorale des islamistes, tant au Caire qu'à Tunis, inspire les plus grandes craintes en matière de droits de l'homme et surtout de droits de la femme, mais aussi parce que l'exemple turc ne fait plus autant rêver. Le régime d'Ankara se durcit. Le pouvoir n'hésite plus à s'attaquer à la liberté de la presse. Les arrestations de complotistes ou de personnes présentées comme telles se multiplient et, comme au pire moment de la dictature militaire, la répression anti-kurde est à nouveau à l'ordre du jour. Bref, pour les observateurs les plus aguerris, on est en train de passer d'un État kémaliste à un État AKP, du nom du parti au pouvoir, celui du Premier ministre Recep Erdogan, qui semble procéder à une islamisation progressive de son pays. Qu'en est-il exactement? Monsieur X, qui m'a souvent parlé de la Turquie, fait le point. Pour commencer, pour vous donner une idée de la radicalisation du pouvoir en place à Ankara, je vous donnerai un seul chiffre. Aujourd'hui, 95 journalistes turcs sont en prison. Ah, c'est un chiffre inquiétant. Et hein. Qui permet de douter sérieusement de la pratique démocratique dans la Turquie d'aujourd'hui. Mais si j'ose dire, la Turquie revient de très loin. Ouais, vous avez raison, car elle a connu de nombreux épisodes dictatoriaux à cause du pouvoir sans partage qu'a longtemps exercé l'armée. Depuis Atatürk, en fait. Exact. Un pouvoir qu'elle a perdu très récemment, après la victoire électorale du parti AKP d'Erdogan. Oui, on dit Erdogan en turc, hein, mais nous allons prononcer Erdogan. Reste en français. Donc l'AKP, c'est un parti islamiste. Hein. Mais considéré comme modéré, ou conservateur, selon les points de vue. Un parti qui, jusqu'à maintenant, en tout cas, n'entend pas imposer la loi islamique. La charia. Ouais. C'est ça. Mais aussi un parti qui, pour avoir triomphé à 3 reprises lors des élections législatives, a dû se battre contre les militaires qui sont les défenseurs farouches de la laïcité. Un combat qui n'a pas toujours eu lieu à armes ouvertes. Que voulez-vous dire, là? Eh bien, Erdogan et ses partisans ont eu tendance, et ça continue aujourd'hui, à accuser l'armée de comploter. Et si certains de ces complots ont bien été réels, rappelez-vous, Ergenekon. D'autres me semblent purement et simplement imaginaires. Peut-être, mais au départ, il y a quand même cette longue tutelle de l'armée sur le pays. Alors, un peu d'histoire, si vous le permettez. Un petit peu. Le général Mustafa Kemal, le père de la Turquie moderne, a pris le pouvoir il y a 89 ans. Atatürk, considéré encore aujourd'hui comme une sorte de personnage intouchable, a fait de son pays un État laïque et l'a débarrassé des traditions rétrogrades du sultanat. Mais en même temps, il a fait de l'armée le fer de lance de sa politique et aussi le garant des progrès considérables qu'il a introduits. Et donc d'abord la laïcité. Et sur ce point, les généraux ont toujours été intransigeants. Oui, ils se sont institués les gardiens de la laïcité. C'est ça. Ouais. Cependant, ils ne s'en sont pas tenus à cette vigilance rigoureuse. En fait, jusqu'à ces dernières années, ils ont exercé la réalité du pouvoir. Et à chaque fois qu'ils l'estimaient nécessaire, ils ont fomenté des coups d'État et placé un des leurs à la tête du pays. Mais, et c'est encore plus grave, cette prééminence leur a permis de perpétrer de nombreux crimes. Autrefois contre les communistes et les opposants de gauche, et plus récemment contre les Kurdes. Mais parce que ce sont aussi, ces militaires, de farouches nationalistes. Hein. Et il ne faut pas oublier que l'un de leurs inspirateurs a été un homme dont je vous ai déjà parlé, un personnage au nom prédestiné, Türkeş, un pantouraniste, c'est-à-dire un partisan de l'union de tous les Turcs du Moyen-Orient, et même des habitants des républiques turcophones d'Asie. Ce qui signifie aussi pour lui que seuls doivent demeurer en Turquie les vrais Turcs. Alors il faudrait, selon lui, en chasser les Juifs, les Arméniens... Et les Kurdes, bien sûr, qui sont 15 millions en Turquie, sur une population totale de 73 millions. Enfin, passons. Je vous rappelle simplement, et vous ne l'avez certainement pas oublié, que ce Türkeş était un admirateur d'Hitler. Ouais. Et il faut aussi souligner que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie a longtemps flirté avec l'Allemagne nazie. Hein. Même si en principe elle était neutre. Mais en février 1945, Ankara se ressaisira et finira par se ranger du côté des Alliés. Hein. Pour autant, on ne peut pas dire que tous les militaires turcs étaient des nationalistes d'extrême droite. C'est juste. On assistera même en 1960 à un curieux épisode. La Turquie était alors dirigée par un gouvernement de droite, issu des élections libres de 1950. Sa base électorale, c'était la bourgeoisie commerçante, les notables provinciaux et la population rurale. Autant dire que ce n'était pas un gouvernement de progrès. Mais pour les jeunes officiers, il y avait plus grave. Ces conservateurs menaçaient l'héritage d'Atatürk. Et ça, pour eux, c'était impardonnable. Mais concrètement, comment s'est traduit cette atteinte-là à l'héritage kémaliste ? Le gouvernement avait commencé de s'attaquer au fondement de la laïcité en réintroduisant, par exemple, l'enseignement religieux dans les écoles primaires ou en autorisant à nouveau l'appel à la prière en arabe. Ouais. Les militaires vont donc s'emparer du pouvoir, mais et politiquement, comment peut-on les classer, ceux-là ? Beaucoup sont plutôt de gauche. Mais il y a aussi parmi eux des nationalistes comme l'inévitable Türkeş, et sa présence inspire quelques craintes. Et la menace de voir s'installer un pouvoir totalitaire. Oui, d'autant que le gouvernement militaire montre d'emblée qu'il ne recule pas devant les mesures extrêmes. Il fait par exemple exécuter le premier ministre déchu et deux de ses ministres. Cependant, et la surprise est d'importance, les jeunes officiers au pouvoir changent de cap. Les plus extrémistes, comme Türkeş, sont écartés. Et l'orientation des nouveaux hommes forts devient sociale et même progressiste. Ainsi, à côté de l'instauration de la sécurité sociale, d'un régime de retraite, de la légalisation du droit de grève, etc., les militaires adoptent une nouvelle constitution qui privilégie les libertés fondamentales. Alors cette intervention de l'armée est donc plutôt positive. Mais malheureusement, ce ne sera pas toujours le cas. Car l'armée, à de nombreuses reprises, va imposer sa loi à chaque fois qu'elle l'estimera nécessaire. Et toujours avec la bénédiction de Washington. Les États-Unis veilleront toujours étroitement sur la Turquie. Ne serait-ce que parce que ce pays, membre de l'Alliance Atlantique, avait une frontière commune avec l'URSS. Et comme dans tous les autres pays de l'OTAN, les Américains y superviseront la création de réseaux Gladio. Oui, Gladio, rappelons-le, c'était une série de noyaux militaires clandestins initiés par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour faire éventuellement échec à une invasion soviétique. Hein. Oui, et comme ils ont largement recruté dans les milieux les plus anticommunistes, un individu comme Türkeş se trouvait presque naturellement proche de ces gens. Lui et la structure secrète qu'il a inspirée, sinon créée, une milice qui balance entre politique et gangstérisme, les loups gris, et qui va jouer un rôle clandestin important et néfaste dans l'évolution de la Turquie, mais on va en reparler. En 1965, l'armée cède le pouvoir à la suite d'une consultation électorale. C'est un retrait sincère ? Non, le gouvernement civil demeure sous surveillance. Et comme, malgré un réel développement économique, les mécontentements montent dans le pays, ils sont prêts à reprendre les choses en main. Mais est-ce qu'ils vont faire hein? Oui, pour mettre fin au désordre, c'est en tout cas ce qu'ils prétendent. Donc, en 1971, nouveau putsch. Mais à la différence des jeunes officiers de 1960, les militaires putschistes de 1971 ne sont pas des progressistes. Bien au contraire, ils accentuent la répression contre la gauche, répression déjà engagée par le pouvoir civil. État de siège, tribunaux militaires, arrestations arbitraires, c'est le début d'une période marquée par la violence. Et ce Türkeş joue sa partition dans ce climat ? Bien évidemment, car face aux forces de répression, on voit émerger un terrorisme suscité par des mouvements kurdes et d'extrême gauche. Les loups gris de Türkeş répondent par des attentats et des affrontements dans la rue qui font de nombreuses victimes. Toutefois, malgré cet activisme fasciste, Türkeş accède à une sorte de respectabilité. Et en 1975, il est même nommé vice-premier ministre du gouvernement conservateur de Süleyman Demirel. On lui confie alors la police et l'éducation. Ah, c'est un poste clé pour un extrémiste. Évidemment, surtout pour un homme qui affirme publiquement « Nous devons exterminer les Kurdes, les Arméniens, les Arabes et les Juifs ».

Les généraux ont consolidé leur pouvoir d'influence en imposant une constitution autoritaire. Plus de 1,6 million personnes sont fichées, 230 000 jugées et 7 000 condamnations à mort prononcées. Les militaires sont donc dans les années 80 au summum de leur puissance. Pourtant, ils vont faire une faute qui va leur coûter cher. Quoi ? Certains généraux, pourtant des laïcs purs et durs, ont en effet joué les apprentis sorciers. Ils ont pensé qu'en introduisant une pincée de renouveau religieux dans la société turque, ils pourraient mieux la contrôler. Par l'intermédiaire des imams ? C'est ainsi, et ce n'est qu'un exemple, qu'ils ont instauré des cours de religion obligatoires dans les écoles. Mais ça, c'était une entorse grave à la doctrine kémaliste. Certainement, mais les généraux ont estimé que la religion pouvait jouer un rôle unificateur et nationaliste. Et ils se sont trompés. Ah, lourdement, oui, car les islamistes ne vont avoir de cesse d'avancer leurs pions et de grignoter le pouvoir des militaires, jusqu'à ébranler la formidable forteresse mise en place par l'armée. D'autant que les militaires, après avoir exercé pendant 3 ans le pouvoir de façon impitoyable, amorcent une démocratisation en douceur. C'est-à-dire qu'ils rendent le pouvoir aux civils ? Apparemment, oui. Mais pour eux, c'est sans danger. Car en réalité, ils continuent de tirer les ficelles grâce à ce Conseil national de sécurité qui leur permet de garder les véritables rênes du pouvoir. Toutefois, c'est vrai. Les civils et les partis politiques reviennent au premier plan. De gauche ou de droite, mais surtout de droite. Ils gouvernent tant bien que mal, malgré de nombreux obstacles. Et lesquels, alors ? Il y a d'abord la question kurde. L'armée et ses mercenaires, les lougris, doivent mener une véritable guerre contre les séparatistes qui multiplient les attentats. Ouais, ça entraîne de nombreuses exactions. Et même de vrais massacres dans les villages kurdes. Les militaires sont souvent incapables de juguler la férocité des lougris qui deviennent parfois incontrôlables. Autre difficulté pour les gouvernements qui se succèdent à Ankara, la montée de l'islamisme politique. Ouais, parce que les généraux ont ouvert la boîte de Pandore. Oui, et en 1996, le parti islamiste, le Refa, remporte les élections et son chef Erbakan accède naturellement au poste de Premier ministre. Est-ce acceptable ça pour les généraux ? Bien sûr que non. Ils ne vont pas tarder à réagir. Auparavant, ces mêmes militaires et les civils qui sont au pouvoir... Mais qui sont, si j'ai bien compris, des marionnettes dans les mains des généraux. En effet. Donc le pouvoir est confronté à un sérieux problème. Ce qui n'aurait dû être qu'un simple fait divers, un accident de voiture... va devenir un véritable scandale où l'on va mettre à jour les complicités qui existent entre les plus hautes autorités politiques et policières et la mafia. Des connivences qui vont jusqu'à la création d'escadrons de la mort chargés de réprimer l'opposition kurde. Mais je n'insiste pas car nous avons parlé autrefois de cette très grave affaire. Oui, mais quand ce scandale éclate là, les islamistes sont au pouvoir, hein ? En profitent-ils ? Pas vraiment. Ils se rendent compte qu'une véritable enquête risque de fragiliser l'ensemble du système politique. Ils ont peur. Oui, et c'est surtout la mise en cause de l'armée qui les fait reculer. En réalité, ils ont conscience que s'ils vont trop loin, c'est leur fragile coalition gouvernementale qui volera en éclats. Et prudemment, ils imposent le secret d'État sur les enquêtes ouvertes à la suite du scandale. Une pusillanimité que n'auront pas leurs successeurs islamistes des années 2000. Hein. C'est parfaitement exact. Et ça débouchera sur l'affaire Ergenekon. Mais en 1996, ils ne se sentent pas assez forts pour jouer cette carte. Et ce faisant, ils abdiquent devant la toute-puissance de l'armée. Et ils signent ainsi leur prochaine défaite. Car les généraux brûlent de l'envie de se débarrasser de ces islamistes qui sont leurs adversaires naturels. Et ça ne tarde guère. En février 1997, l'armée perpètre son 4e putsch. Le gouvernement Erbakan est contraint à la démission et les dirigeants du parti islamiste sont bannis de la vie politique. Alors les militaires sont donc à nouveau au pouvoir. Mais comme ils l'ont déjà fait souvent par le passé, ils se dissimulent sous un gouvernement civil, une coalition hétéroclite qui va de l'extrême droite au centre libéral. Un gouvernement conservateur donc. Et farouchement anti-islamiste. Pour faire illusion, le nouveau gouvernement lance une opération main propre. L'ancien ministre de l'Intérieur, Mehmet Agar, est par exemple mis en accusation devant la Cour de Sûreté de l'État. Il lui est reproché d'avoir protégé des personnes recherchées et d'avoir créé une organisation armée à des fins délictueuses. Les escadrons de la mort. En principe, Agar risque une 20aine d'années de prison, mais son inculpation est soudainement abandonnée. Et un an plus tard, à l'occasion du mariage de sa fille, Agar convie le gratin de la société turque. Et il ne sera plus jamais inquiété. Mieux, il retrouvera un peu plus tard un siège au Parlement. Ouais. Cette opération main propre a donc été un fiasco. Plus que jamais, les principaux dignitaires de l'armée et de l'État profond bénéficient d'une impunité totale. Et en 1999, ils peuvent même se prévaloir d'un succès spectaculaire. L'arrestation du principal leader kurde, le légendaire Öcalan. Et Öcalan qui, depuis cette date, est toujours détenu dans une île isolée. Cependant, cette incontestable victoire contre l'opposition kurde ne suffit pas à sauver la coalition gouvernementale qui doit faire face à une importante crise économique et démontre son incompétence à l'occasion du terrible tremblement de terre de 1999. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Une vingtaine de milliers, oui. Et le gouvernement n'a guère brillé en cette affaire. Ajoutez à cela l'impopularité grandissante du Premier ministre, Bülent Ecevit, et vous comprendrez que la Turquie est sur le point de connaître un nouveau bouleversement. En 2002, le Parti de la Justice et du Développement remporte les élections législatives. Ouais, et c'est un parti islamiste. Hein. L'AKP se réclame en effet de l'islam. Mais ses dirigeants, et parmi eux le Premier ministre actuel, Recep Erdogan, prennent soin de se démarquer de l'intégrisme musulman. Oui, car ils savent que l'armée ne tolérerait pas une rupture avec le kémalisme laïque. Hein. En fait, si Erdogan et les siens ont gagné, c'est qu'ils ont joué habilement de la lassitude d'une population irritée par la corruption latente d'élites criminalisées et la mainmise permanente de l'armée sur le pouvoir. Mais à votre avis, alors, ces islamistes de l'AKP sont-ils vraiment des modérés ou avancent-ils masqués ? Il faut observer qu'à chaque fois qu'ils le peuvent, ils essaieront d'enfoncer un coin dans la laïcité, sur le port du voile par exemple, ou encore sur la criminalisation de l'adultère. Mais en même temps, ils savent reculer lorsque l'armée menace. Et puis à l'Europe Erdogan est alors un farouche partisan de l'entrée de son pays dans l'Union européenne. Il doit donc donner des gages à Bruxelles et ne pas s'engager dans un islamisme qui ferait peur. Mais il faut bien dire que l'Union européenne est plutôt bienveillante avec Erdogan. Beaucoup de leaders européens considèrent que l'AKP est une sorte d'équivalent musulman des démocraties chrétiennes à l'occidentale. Ouais. Alors, je reviens à ma question, moi. Ces islamistes se dissimulent-ils ? Je le pense. Les dernières évolutions le montrent. Mais ils doivent d'abord affaiblir l'armée. Et ils vont y arriver en dénonçant les complots fomentés par les généraux. Toutefois, si certains sont avérés, on peut douter de la réalité des autres. Mais nous verrons cela samedi prochain. À suivre donc, et sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission et communiquer avec nous. Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée avec Stéphane Combe et Michel Biou et des petites notes de musique de Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, on se balade sur Où de mon amour de Denis Chessou.